Section 26 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 26. Les espérances de monsieur de La Hérodière se trouvaient heureusement dépassées. Il n'avait jamais cru, en effet, que les choses prendraient une tournure aussi favorable, et ce qu'il avait imaginé de mieux, ça avait été un mouvement de satisfaction chez Charlotte quand elle apercevrait son bureau. Que cette satisfaction se manifestât, ne fût-ce que pendant un instant, il se tiendrait pour content. Ce serait un premier pas dans la voie de la guérison, les autres suivraient plus tard. Mais, lorsqu'au lieu de ce triste sourire, sur lequel il n'osait même beaucoup compter, il la vit embrasser les enfants de Barbe avec une émotion qui fit monter les larmes dans ses yeux depuis si longtemps desséchés, surtout lorsqu'il la vit tendre la main à Narbanton, dans un mouvement plein de cordialité, de sympathie, il ne douta plus de l'avenir. Georges était vaincu. Il n'avait plus pour réussir qu'à poursuivre l'exécution de son plan. Aller doucement, ne pas faire violence aux sentiments de Charlotte, la prendre au contraire par la douceur, et dans quelques mois, Narbanton était son gendre. Malheureusement, les choses ne s'arrangèrent point avec cette simplicité ni avec cette facilité. Pendant tout le temps qu'avait duré la maladie de sa fille, M. de La Hérodière n'avait pas quitté sa maison. Ses plus longues sorties étaient celles qu'il faisait avec le docteur Cafousse ou avec Narbanton pour les reconduire jusqu'à la barrière. Arrivé là, il leur serrait la main, et après avoir jeté un regard du côté de son amas de coquilles, il remontait bien vite dans la chambre de Charlotte, ou tout au moins dans la sienne, de manière à être toujours prêt quand la malade appelait. Jamais cependant la tentation de visiter son coach Ken Medding n'avait été pour lui si impérieuse, car quelques jours après le commencement de la maladie de Charlotte, il avait lu dans la Gazette de Vannes une note qui lui avait causé autant de surprise que d'inquiétude. « Nous avons déjà plus d'une fois entretenu nos lecteurs, disait cette note, des découvertes curieuses qui ont été faites dans la presqu'île de Ruiz par le savant Monsieur de La Hérodière. On sait que ces découvertes portent sur des ustensiles de ménage, des armes en pierre et en os, et même sur des ornements de toilette qui auraient appartenu aux premiers habitants de notre province dans les temps préhistoriques. Selon l'opinion de Monsieur de La Hérodière, ce seraient des vestiges de l'époque de la pierre polie. Bien que le caractère de Monsieur de La Hérodière écarte de prime abord toute idée de fraude et de supercherie, cette opinion n'a pas été admise par tous les savants. Il s'en est trouvé parmi les plus sérieux et les plus autorisés qui ont fait remarquer que cette science nouvelle, qui prétend remonter jusqu'au temps soi-disant préhistorique, ne repose encore sur aucun fondement certain, et que jusqu'à présent, elle n'a eu trop souvent pour but que de fournir des arguments et des raisonnements aux ennemis de notre foi religieuse. Voici un fait nouveau dont nous pouvons affirmer l'authenticité, qui jusqu'à un certain point peut faire comprendre comment des savants dont la conscience n'est mise en doute par personne sont quelquefois victimes de l'erreur ou de la fraude. Mardi dernier, trois jeunes élèves de notre séminaire, se promenant dans la presqu'île de Ruiz, se sont trouvés en face de l'amas de coquilles et de détritus, dans lequel M. de La Hérodière avait fait des découvertes. Situé au bord de la mer, dans la dune, cet amas de coquilles n'appartient à personne. Nos élèves du séminaire ont eu l'idée de le fouiller à leur tour pour voir si par hasard, eux, qui n'étaient pas des savants, ils ne feraient pas aussi quelques trouvailles curieuses. Ils en ont fait une extraordinaire en une demi-heure et n'ayant d'autre outil que le bout de leur parapluie, ils ont déterré différents ossements et des fragments qu'ils ont rapportés à Vannes. Tout fiers de leur découverte préhistorique, ils ont voulu les faire examiner à des personnes compétentes, et ces personnes ont reconnu que ces ossements préhistoriques sont tout simplement des os de cheval, qui, après avoir été lavés au lait de chaux, ont été enterrés. Quant aux fragments de poterie, ils ont une antiquité tout aussi respectable, ce sont en effet des morceaux de poêlon, et sur l'un de ces morceaux se lit le nom de leur fabricant, Ropparts, à Malouen. Nous croyons que c'est là le monument le plus curieux de l'art de la céramique chez nos ancêtres, car il vient nous prouver que l'écriture existait dans les temps préhistoriques. D'où proviennent ces ossements et ces poteries? Nous n'en savons rien, et nous ne pouvons dire s'ils ont été apportés dans la mat coquille de la presqu'île de Ruiz pour faire une plaisanterie à la science, ou bien au contraire si tous les ossements découverts jusqu'à ce jour ont la même valeur historique que ceux trouvés par les élèves de notre séminaire. La seule conclusion que des ignorants tels que nous puissent tirer de cette aventure, c'est que la science a besoin de modestie, et qu'elle a encore bien des étapes à parcourir avant de pouvoir mettre en question l'autorité des livres saints. Avant de refaire la chronologie classique, il faudra amasser des matériaux autrement probants que ceux sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour échafauder orgueilleusement de puériles négations. Dans l'Antiquité, les augures, dit-on, ne pouvaient pas se regarder sans rire. De nos jours, il n'y a plus d'augures, mais il y a encore des savants. On peut comprendre, sans qu'il soit besoin d'insister, quelle avait été la colère de M. de la Hérodière en lisant cette note qui ne reconnaissait sa parfaite bonne foi que pour mieux l'accabler sous le ridicule. Que le public de la Gazette crut, d'après ce récit, qu'il n'était qu'un faux savant qui prenait des poêlons pour des urnes, de cela il n'avait nul souci, et il était pleinement convaincu qu'entre lui et les trois séminaristes armés de leur parapluie, il n'y avait pas à lutter. Trois séminaristes ! C'était sacré. D'un autre côté, il était tout disposé à admettre, d'ailleurs, que ces trois jeunes gens, ou au moins deux sur trois, étaient de bonne foi, et qu'ils avaient vraiment trouvé ses ossements et ses morceaux de poterie dans son Kotchken Modding. Mais ce qui l'inquiétait, c'était de découvrir comment et par qui ces ossements avaient été enfouis là. Il savait parfaitement qu'il avait soulevé contre lui une animosité assez vive dans un certain monde qui ne lui pardonnait pas ses opinions religieuses, ou plus justement son indifférence dans les questions religieuses. Déjà plus d'une fois, on lui avait tendu des pièges pour mettre sa science en défaut. Il avait hâte de voir si ceux qui venaient de mettre ces trois séminaristes en campagne étaient les mêmes que ceux qui précédemment avaient voulu lui faire acheter des silex des temps primitifs, trouvés, disait-on, dans des terrains fossilifères, alors qu'ils venaient d'être tout simplement fabriqués. Pour cela, une recherche faite par lui, dans son amas de détritus, eût pu l'éclairer, car, à la façon dont ses ossements et ses fragments apocryphes étaient placés au milieu des coquilles et des débris, il aurait peut-être pu deviner la main qui les avait apportés là. Mais cette recherche, au moment où Charlotte était mourante, n'était pas possible. Il fallait la remettre. Plus tard, on verrait. Pour l'heure présente, sa place était auprès de sa fille. Il avait rejeté la Gazette de Vannes, ne voulant même pas répondre à sa note. Mais il ne l'avait pas oublié, et aussitôt que Charlotte avait été assez bien pour rester seule, il avait couru à son Kshoken Moeding. Avec quelle joie il avait passé son bras dans l'anse de la corbeille, avec quelle fierté il avait saisi le manche de sa pioche. Ah, il voulait se moquer de lui, et il triomphait parce que, depuis 6 semaines, il avait gardé le silence, comme s'il avait été écrasé sous la note de leur journal. Eh bien maintenant, ils allaient voir qu'il n'était pas écrasé, il allait leur répondre. Et puisqu'il l'attaquait sur la chronologie classique, il allait leur montrer en prenant ses armes chez les auteurs orthodoxes, chez l'évêque de Châlons, chez l'abbé Lambert, que la question des origines humaines n'avait rien à voir avec la chronologie classique, et que dans leur zèle trop plein de ferveur, ils parlaient de ce qu'ils ne connaissaient point. Lorsqu'il sortit de chez lui pour se rendre sur la dune, il tombait une petite pluie fine, et il soufflait du sud un vent froid, mais il n'y avait pas là de quoi l'arrêter. Il se mit au travail comme s'il avait fait le plus beau temps du monde. Il n'était ni à la pluie ni au vent, et la pensée qu'il allait peut-être saisir un indice qui le mettrait sur la piste de ses ennemis le rendait insensible à tout. Il eût tombé des grêlons gros comme des œufs de pigeon, il ne les eût probablement pas sentis. Son esprit, ses yeux, ses bras, toutes ses facultés étaient absorbées dans son travail. Tout en piochant, il bâtissait sa réponse. Il dirait ceci, il dirait cela. Les imbéciles qui ne savaient seulement pas que de leur côté ils s'étaient trouvés des gens habiles pour démontrer que la science relative à l'ancienneté de l'homme s'accorde avec la révélation et que les découvertes modernes confirment le livre de Moïse. Il y avait à peu près 3 heures qu'il était le nez baissé dans ses coquilles, recevant sur le dos et dans le cou la pluie qui ne cessait pas, quand Martin vint le déranger. « Est-ce que ma fille a besoin de moi ? » dit-il en se relevant vivement. « Non, monsieur. » « Seulement, mademoiselle m'envoie vous dire que ce n'est pas raisonnable de rester à vous faire mouiller et qu'elle vous prie de rentrer à la maison. »« C'est bien, dites à ma fille que je vais rentrer tout de suite et que je la remercie. » Mais le « tout de suite » dura longtemps, et au bout d'une heure, Martin revint, portant un manteau et un parapluie. « Mademoiselle m'a recommandé de vous emmener, » dit-il. « Elle a besoin de vous. »« C'est vrai qu'elle a besoin de moi ? Ce n'est pas pour me faire rentrer ? Je ne sais pas, je vous répète ce qu'elle m'a dit. » Il fallut bien que M. de la Hérodière abandonnât ses coquilles. Il se consola en se disant qu'il reviendrait le lendemain. Il était sur la bonne voie. Encore quelques recherches, et il les tenait. mais le lendemain, il lui fut impossible de se lever à son heure habituelle. Il avait très mal dormi, il avait eu un frisson très dense, suivi d'une chaleur pénible. Une douleur aiguë le faisait souffrir dans un des côtés de la poitrine. Sa respiration était difficile, et dans l'inspiration, elle était arrêtée par un point de côté. Il sentit qu'il était assez sérieusement pris, et il garda le lit. Lorsque Charlotte se leva et vint le voir, elle fut effrayée par sa toux, et plus encore par la gêne qu'il éprouvait pour respirer. « C'est un rhume, » dit Monsieur de la Hérodière pour la rassurer. « J'aurais gagné froid. Pendant les 6 semaines que j'ai été enfermée, j'ai perdu l'habitude du grand air, et je me suis sottement exposée au vent et à la pluie que je bravais impunément quand j'étais acclimatée. Ce ne sera rien. » Mais, sans se laisser tromper par ses paroles, elle envoya chercher le docteur Kerfous, qui ne put venir que le lendemain matin. Pendant la journée et pendant la seconde nuit, le mal avait empiré. C'était une pleurésie. « Y a-t-il épanchement ? » demanda M. de la Hérodière, pendant que le médecin l'auscultait. « Je le crains. Alors la chose est grave. Maintenant, autre question. Croyez-vous que ma fille soit en état de supporter la vérité ? Pourquoi la lui dire ? Il ne s'agit pas de cela, mais seulement de savoir si elle peut, sans danger, apprendre que je suis sérieusement atteint. Je crois qu'elle a assez de force maintenant pour supporter ce coup. Eh bien, mon ami, ne lui ménagez pas la vérité quand elle vous interrogera sur mon état. J'ai des raisons puissantes, pour désirer que vous soyez sincère avec elle. N'exagérez rien, mais d'un autre côté, n'atténuez en rien non plus la vérité. » Fin de la section 26.